بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيب أقسام الفعل الفعل إم كيف يكون يا محمد إما سالم مثال الفعل سالم كتب نعم يكتب لن يكتب ما معنى سالم كوندي لا يسي سالم بابو طب On peut dire un verbe simple. Il n'y aura pas de harf illa et l'akhir. Même un affaire, le mahmouz. Mahmouz, c'est que la. Yani la hamza, elle peut être au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire, tu dis, pour bien s'exprimer, tu dis, c'est un verbe d'où on trouvera une hamza. Soit en début, soit au milieu, soit à la fin. On débutera en début de verbe, en milieu de verbe, et en fin de. Qara. Qara, ahsant. Taïb. عندك كومون دي لو فيرب اكل في الامر كل نعم المضاعف ما هو الفعل المضاعف مع اكل مشده لكن شده سيتو نعم استجا دو لتر دون هذا سي بور بيان اكسبليكي سي كوا سو سون دو ميم لتر لون دون لوتر طيب كون انا دي دو ميم لتر دو ميم لتر Puisque on va prendre l'exemple de Hajju. Hajja. Par exemple, il ne faut pas dire, par exemple, il y a un ha et un ra, un ha. Ou un ha et un djumji, par exemple, ou dja. Ce sont vraiment deux mêmes lettres. Hajja, à la base, c'est quoi? Hajjaju. Hajjaju. Hajjaja. T'as vu, Inch'Allah? Comment on dit Hajja? Fais l'amr. Hajja. Hajja, Hassan. Al-Mu'tal. Kamaksam. Talatha. D'abord on dit Mu'tal al-fa. Lumaz a soumis à Mu'tal al-fa. Pourquoi on l'a appelé Mu'tal al-fa? Parce que la première, elle est défectueuse, elle est sous le fa. Sous le fa, c'est-à-dire sous le pesé de fa'ala. C'est-à-dire quand on en travaille à quel pesé ici? Avec fa'ala. Et quand on a mis par exemple le verbe waqafa, wajada, on a trouvé quoi? Al-harf al-illa, c'est-à-dire la lettre défectueuse, c'est le waw. Il s'est trouvé sous le fa. Un exemple, harf mu'tal al-ayn. Qala. Qala. Également, il a un autre nom, on peut l'appeler Ajwaf. Ajwaf, c'est-à-dire en français, concave, c'est quelque chose de creux. Également, mu'tal al-lam. Également, il a un nom. Al-naqas. Un exemple. Qawa. Qawa ou kif? Hein? Abdelhamid. Kawa. Allah yubarik fik. C'est la fin du 2. Kawa. Mais donne un autre exemple. Masha. Masha, taïb. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces verbes-là? Mu'tal lam ya Mohamed. Pas Umudara. Par exemple, Masha, Nasiya, Naha, Da'a. Non, bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle Mu'tal lam. Mais on avait dit une chose, particularité par rapport à quoi? Non. On ne peut pas dire en plus. On trouve un. Umudara. Umudara. Est-ce qu'ils ont tous le même Umudara? Non, soit on trouve un Waw, soit on trouve un Ya, soit on trouve un. Vous vous souvenez de ça? Hein? Il faut? Également, ça dans quoi? Dans Mu'tal al-Ain. T'as vu? Masha, tu dis quoi? Yamshi. Alaykoum salam. Yamshi. T'as vu? Et le Yad'ou? Da'a lam Yad'ou. T'as vu? Vous vous souvenez? Par exemple, on disait quoi? Mu'tal al-Ain, on dit Ba'a, on dit quoi? Yabi'u qala. Yaqulu. Inama. Yanamu. Yanamu. T'as vu? Pas Yanama. Yanamu. Il est Moudara Marfoua. Je l'écris comme ça. Là, il est écrit déjà dans le tableau. Toi, tu l'écris avec un fadra? Le Moudara, est-ce qu'il peut être Meftouh? Si, mais avec. S'il est précédé d'un quoi? Harf Nasb. Zaydoun Lan Yanam. Amma taqul Yanama Kadala. Taïb. Salam. Yanamu Lan Yanama. Taïb. Mawalla Fif al-Makroun, ya Ayman. حرفان طيب ابليكي الديوال ها harfan comme kawa. Kawa. C'est à dire quoi, deux harfs qui se sont suivis l'un et l'autre qui sont quoi, deux lettres défectueuses comme kawa al waw wa al ya wa la fi fil maqrun al mafrouq, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire deux lettres défectueuses qui sont séparées par une autre lettre. Comme quoi? Waqa. Taïb. Andek Abdelkarim, barakallahu fik. Ma ma'na fi'al tam. C'est le contraire de naqas. Tu ne nous as rien ramené. Imaginez-vous, je viens vers un frère, il me pose la fi'al tam, je dis c'est le contraire de naqas. C'est-à-dire que tu peux conjuguer tous les temps? Ma ma'na. Ta'arif. T'as compris Abdelkarim? Hein? C'est comme si je t'ai dit, c'est quoi un musulman? Tu me dis, c'est l'inverse d'un kafir. Et le frère, il sait même pas déjà c'est quoi un musulman. Vous avez compris ça? Là, ce que tu dis, il y a du vrai et un peu du faux. Voilà, un frère, tu lui expliquais, comme je te donne l'exemple, c'est quoi un musulman? Tu dis, c'est l'inverse d'un kafir. Le frère, là-bas, il sait même pas c'est quoi un musulman. C'est un verbe qui se conjugue à tous les temps. Là, Abdelkarim. Fi'al tamawa. Andek. Il suffit à lui, il n'a pas besoin d'un ismi d'un khabar. Là, c'est pas ça. Handek. Yaktafi bi marfou'i. C'est-à-dire quoi? Son sujet lui suffit. Qama zaydun. Mefoumada. On verra que bientôt dans le 3 que certains verbes ils ont besoin d'un sujet et d'un mef'ul bi. Darabtu. Ça suffit ça? Je viens vers toi, je dis darabtu. Tu vas me dire quoi? Men. Darabtu zaydan. T'as bien vu que c'est un verbe qui a besoin d'un COD. Amma al-fi'l tam yaktafi, c'est-à-dire il se suffit avec quoi? Avec son sujet. Qama al-mudarrisu. Al-jumla mufida ou laissat bimufida? Baka al-walad. Vous avez compris ça? Hada wa. Taïb. Al-fi'l naqas ma huwa ya Muhammad? Yahtaj ila ism wa khabar. Ahsan. Taïb. Al-fi'l naqas yahtaj ila ism wa khabar. C'est-à-dire. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. Un exemple. Non. طيب ليس زيد مريضا او كان زيد مريضا. On aurait pu dire كان زيد. Là, لماذا? لانه فعل ناقص. On a dit que le فعل ناقص a besoin quoi? D'un اسم d'un خبر. Révisez bien ce tableau là et cette faïda que je vous ai donné également. طيب. Et là, بارك الله فيك عندك ايمن والناقص في الصرف. C'est là où je vais en venir. C'est pour ça que je vous ai pris tout doucement, tout doucement. Vous avez compris? Vous vous souvenez de ça ou non? Al-fi'l naqas, il a besoin d'un ism et d'un khabar. Ça c'est dans quoi? Nahu. Amma fi sarf. Al-naqas ma huwa? C'est celui dont son verbe, il a quoi? Un des huruf, min al-huruf al-illa. Imma al-waw, imma al-ya, imma al-alif. Vous avez compris cette différence? À pas confondre. T'as compris ça avec lequel maintenant? Taïb. بسم الله إذن ها نقرأ هذا التابلو لا هو très très important les frères. Révisez-le même tous les jours. Comme ça dans le 3 on va rentrer, c'est-à-dire en profondeur après même dans le صرف. بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثلاثون يقف بالباب فتيان. عندك بسم الله ادخل من انتما؟ نعم نحن طالبون. تنعم طيب. لا وزي. نحن طالبان. Aujourd'hui c'est un dars que sur le duel. Et alhamdulillah on l'a étudié le duel. نحن طالبان. نحن طالبان جديدان. نحن طالبان. نحن طالبان جديدان. جديدان طيب. مرحبا بكما. من أين أنتما؟ من الصين. متى وصلتما إلى المدينة المنورة؟ وصلنا أمس. أتوأمان. ترجمه. طيب. نعم. وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ عرفت من الشبيه الذي بينكما. لا بينكما. الذي بينكما. ما أسماؤكما؟ اسمي الحسن وأخي اسمه حسين. الحسين. يعرف العلماء الحسن والحسين. لكم إخوة وأخوات؟ نعم لنا إخوانا لنا أخوانا أخواني و أخ أخ كيف يسباس مهمين سلفان لنا أخوان وأختان نعم لنا أخوان لنا أخواني وأختاني أما الأخوان أن أما الأخوان فيعلم Tu n'as pas lu le texte, hein, déjà. Ah, les frères, hein. Inch'Allah, dans le 3, je vous demande ce service-là. Préparez bien les leçons. Allah yabarak fikoum. Amma la khawan fayamalani. Fi maktab. Fi maktab il khotot al jawiya. Wakad darasa. في معهد اللغة هذا قبل سنوات وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغار في أي كلية تريدان أن تدرس بعد دراسة لا لي فخار بعد سي تو سا سي ديجا في لي فخار دراسة اللغة العربية نعم أريد أن أدرس بكلية شريعة أم الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم نعم وفقكم الله أريد أن أذهب للمراقب تو أسا سي دي مو نورمالمون سا أبخي سا با مراقب مراقب طيب نريد أن نذهب إلى المراقب لا تذهب إليه الآن فإنه مشغول يمكنكما أن تذهب إليه بعد انتهاء الحصة اذهب الآن إلى المكتبة وخذ لا tu parles deux وخذ الكتب المقررة طيب دي مو با كومبري لا لو نو avec la ligne بسم الله عبد الكريم vas-y حسن Al-Hassan. Cette dernière réplique de la première page. Naam. On dit que ce soir il travaille à Khutut al-Jawiya. Ça c'est fi maktab Khutut al-Jawiya. En quelque sorte c'est, comment on appelle ça, la tour. Aiguilleur. Hein? Voilà, aiguilleur. Taïb. Naam, toi, vas-y. Al-Hassan, la dernière réplique. مراقب والله جاب بما معنى سورفيان طيب سورفيان سي دون اون ايكول لا لا سي السورفيان الى بلوس مراقب تو مي على باس سوي كي فين قال حارس هذا tu dépends comment tu l'utilises tu vois parce que le verbe en lui-même C'est quoi Harasa. Taïf. Et le ism fa'al, Haris. Un gardien. Le présent du même Haris, le Kura. C'est bon C'est bon, non Jumeau. C'est quoi les. Jumeau Il dit Tau Aman. Le Hamza, c'est juste l'istifama. توأمان توأمون à la base ouais mais toi traduis pas mon par mot travail le travail là qu'il fait Jawiya c'est au niveau de quoi des airs l'air tu vois mais sinon aiguilleur c'est quoi c'est lui qui prend sur la tour quand ils arrivent les avions tout ça tu vois Maktab, c'est bureau. Le khotot, c'est quoi? Les airs. C'est-à-dire, je veux dire, le khat, c'est les lignes. Mais faux. Et le jawiya, c'est quoi? Les lignes aériennes. Et c'est quoi le métier de ça? Astronaute. Mahdi, Allah. Je viens de dire aiguillère. Mais non. Aiguillère. طيب خطوط الجوية دسمة لفخار دسمة طيب بسم الله ولي لفخار prenez le dernier exercice grand 8 تأمل ما يلي طيب grand 8 المضارع المرفوع tout ça on l'a déjà étudié mais sauf ici on va rajouter quoi بارك الله فيكم le duel et également tu es merdi طيب grand 8 On appelle ça هذه هي الأفعال الخمسة. طيب, ils lui ont donné un nom spécial par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بماذا؟ بحذف النون. Tout ça c'est écrit, hein? Regardez bien. Vous avez vu? Regardez bien, vous dites هذه هي الأفعال الخمسة. إعراب الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. Tout le monde y est? Parce que moi quand je parle à un frère par exemple, si je dis toi tu pars, tu diras quoi? أنت تذهب ها سيكون ماذا هذا مرفوع ب بضمه زي كومبري alors ce qu'on va voir ici c'est la même chose que anta تذهب mais il est مرفوع avec la présence du nun بثبوت النون et il sera منصوب مجرور منصوب ومجزوم بماذا بحذف النون et on les appelait الافعال الخمسه طيب alors regardez bien il vous dit quoi هذه هي الافعال الخمسه اعراب افعال الخمسه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون مفهوم هذا ان شاء الله sans la vue ça si vous souvenez on avait lu le tableau en détail quand il mettait فاعل plus ainsi de suite طيب المضارع المرفوع c'est comme si on parle là par exemple de زيد de زيداني deux frères زيداني او الولدان يذهبان مفهوم ici il est مرفوع بماذا بثبوت النون مفهوم pourquoi il faut apprendre ça bien par cœur faut pas que vous confondez avec quoi Là. Avec quoi Le pluriel Ahsan est également le duel. Al-Muslimouna. Dia al-Muslimouna. Est-ce qu'on va dire Marfou' al-Muslimoun bimada bithubutunun Qu'est-ce qu'on dira Bilwaou. Taïb. Et ça, ça peut arriver à tout le monde et moi le premier. En tant que nouveau, comme tu dis, tu mélanges. Dia al-Muslimouna. Tu peux confondre Yadhabani. Hein C'est pour ça, prenez ça bien. Allah ybarik fikoum. C'est que جاء المسلمون جاء مسلمان مرفوعان بماذا بثبوت النون بماذا المسلمون بالواو اما المسلمان مرفوع بماذا بالالف alors que le nun c'est quoi عوض عن التنوين مفهوم هذا alors qu'ici vous avez compris ça maintenant c'est à dire dans le pluriel masculin et le duel il est مرفوع avec la présence du واو Et il est marfou avec quoi La présence du alif. Ça, c'est dans quoi Fil asma. Alors que dans le verbe au mudara, il sera marfou par la présence du noun. Mais faut mettre Et mansoub avec quoi Hadf noun. Et mazoum, hadf noun. Vous avez combien compris, les frères hein? Ça, si vous voulez l'écrire, Inch'Allah, après, dans le. Il y a de la place là. Taïb À ne pas confondre, vous le mettrez vous-même. Avec quoi Le pluriel masculin. Et quoi Et le duel. Vous avez compris ça, Inch'Allah Tout le monde a Abdelhamid Abdelkarim Mohamed, c'est bon طيب. Vous avez compris quoi, où on peut, faire la, on peut confondre là طيب. Zaydani, ça Zaydan c'est de moi, c'est juste pour que vous compreniez. Yadhabani, marfou' bi thubut nun. Al-awladu, yadhabuna. Mais faut madame, inshallah طيب. Tadhabani, tadhabani, si je parle à, un frère, à deux frères, je leur dis quoi Antuma, tadhabani. طيب, inshallah طيب. Et si on parle de deux sœurs, on dira quoi Huma tadhabani. Me fumada Tout le monde a compris Et si on parle à deux sœurs Tadhabani. On recommence, Inch'Allah. On parle à deux sœurs, on dit quoi Antuma tadhabani. Je parle à deux frères. Antuma tadhabani. طيب. On parle sur deux sœurs. Huma tadhabani. Vous me suivez là ou non Et si on parle sur deux frères Huma Yadhabani. C'est compris, Inch'Allah On va répéter. On parle à deux frères, face à nous, Mukhatab. On dira quoi Antuma Tadhabani. On parle à deux sœurs, elles sont face à nous, on dira quoi Antuma Tadhabani. On parle sur deux sœurs. elles sont pas présentes. Huma yadhabani. Et on parle sur deux frères qui ne sont pas présents. Huma yadhabani. Mafhoum inchallah, apprenez ça par cœur. Barakallahu fikoum. C'est-à-dire combien de fois on rencontre tadhabani? Trois fois. Une fois pour qui? Pour le garçon, pour deux garçons. Et deux fois pour les deux filles. Présente et non présente. Ces deux sœurs. Et yadhabani pour qui? Deux frères pas présents. Pour deux frères non présents. T'as vu inchallah les frères? Apprenez ça. Comme ça après c'est fini. T'as vu? Antum tadhabouna. C'est bon? Antum tadhabouna. Anti tadhabina. T'as vu inchallah? Ça c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est marfou. Comment on sait que c'est marfou ici? Tout ce qu'on vient de dire? Thubut nun, c'est-à-dire la présence du nun. Al-mudhara' al-mansoub. Zaydu al-zaydani al-waladani lan yadhaba. On a supprimé quoi? Le nun. Est-ce qu'il est mansoub et madzoum? Mansoub par la présence de l'an. Taïb. Al-awladu lan yadhabu. C'est la même chose. Taïb. Antuma lan tadhaba. Taïb. Si je parle à qui là? Si je dis ça? Deux à deux frères qui sont présents. Taïb. Et si je parle à deux sœurs, Antuma lan tadhaba. Pareil, elles sont face à moi. Mais si j'informe sur deux sœurs, Huma lan tadhaba. Taïb. Et si c'était par exemple sur deux frères qui ne sont pas présents, lan yadhaba. C'est compris, Inch'Allah? Taïb. Antum lan tadhabu. Anti lan tadhabi. Al-mudhara al-madzoum. Lam yadhaba. Lam yadhabu. Lam tadhaba. Lam tadhabu. Et lam tadhabi. T'as vu, Inch'Allah, les frères? Et ça, c'est un dors qui est dans Tuhfa. C'est-à-dire, si vous l'apprenez dès maintenant, Alhamdulillah, ce sera que de la mouraja. Taïb. Qui a une question à poser par rapport à ce tableau? Ouais. Il y a 5 temps. C'est 5 temps, mais moi je vous ai rajouté les deux. C'est pour ça que certains ils disent la frère al-Khamsa ou ils peuvent rajouter Naam. Il s'appelle pas aussi l'Amthil al-Khamsa? Certains ils l'appellent également l'Amthil al-Khamsa, les 5 exemples. Certains ils disent c'est mieux de dire l'Amthil al-Khamsa par rapport à quoi? Parce que ici c'est le même verbe. C'est pas la frère al-Khamsa. Voilà qui n'a la kouli hal. Le plus important c'est de savoir quel est le but de cet exercice-là. Quelqu'un a une question? Taïb, bismillah, idan, on applique les exercices. Taïb, on fait l'exercice 2, il te dit ضعف الفراغ في كل جملة مما يلي مما ياتي فعل ذهب. Taïb, au temps du madhi. Vous avez compris, c'est-à-dire dans le vide, il te demande de mettre quoi? Le verbe ذهب au madhi. Et faites attention, on va utiliser quoi? Le duel. Un grand 2. Hein? Là, on revient dès le départ. Pourquoi? Parce que si on appliquait directement les exercices, très peu auraient pu le faire. Pourquoi? Vous n'avez pas compris l'utilisation du duel avec les verbes. Alors là, on dit par exemple Aina Khalidun wa Hamidun. Alaykoum salam. On dira quoi? Là, au mardi. Dahaba. Hein? Dahaba. Il a le maktabati. Tu prononces le alif. Taïb. Aina Aminatu wa Urtuha. Dahabata. Il a le mustashfa. Li'iyadati ummihima. Taïb. Là, on parle à deux frères. Aina. Dahabtuma. يا أخوان طيب إلى الطبيبة ذهبتما يا بنتاني ولي جي ريبيت ها لكل جي ريبيت لو كومون لو dernier إلى الطبيبة ذهبتما يا بنتاني كوم جو بارل ا دو سور جي كوا ذهبتما طيب اي سي سيتي دو فرير طيب ذهبتما لا ميم شوز طيب ولي كومبري سيت اكزرسيس طيب اون في لو دوزيام لو غران 3 لا ميم شوز. Hein, il te dit ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي في الذي يذهب. C'est la même chose mais au مضارع. أحمد وإبراهيم on dira quoi là? يذهبان إلى المكتبة كل يوم. يذهبان. طيب. Là on va parler à deux enfants, on dira quoi? أين تذهبان. أحسنتم. يا ولدان الطالبتان الجديدتان on dira quoi? تذهبان إلى المصلى. Car on informe sur qui? Sur ces deux sœurs-là. Et ça ressemble à quoi ça? Comme si on parlait que d'une seule, une seule sœur. On disait quoi? Hiya? Tadhabu. Là, on va parler à deux sœurs. On dira quoi? Mata? Tadhabani ila saydaliati ya urtani. C'est bon? le même exercice, grand 4, va fil farah fi kulli jumlatin mayati fil al-amr idhhab. La même chose. Ya akhawani. Quand on parle, si on parle à deux frères, on dit quoi normalement? Antuma. Antuma tadhabani. C'est vrai ou non? Antuma tadhabani. Alors si on forme l'impératif, qu'est-ce qu'on devait faire? On supprime la lettre du mudara, qui est le ta. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Il nous reste à supprimer le noun. Voilà. Alors on dirait quoi? Idhaba. Comment? Non, on supprime juste le noun. Regarde, on l'a fait là. Regardez là, revenez au tableau là qu'on a fait. Al-mudara al-marfou, al-mudara al-mansoub, al-mudara al-madzoum. Vous pouvez écrire également quoi à côté? Al-amr. Vous mettez l'amr et vous le faites vous-même. Ça veut dire quoi? L'amr, tu fais, t'as vu la colonne que vous avez là? L'am? Sans le l'am et sans quoi? Et sans la lettre du mudara. C'est compris, Inch'Allah? Ah, je vous le donne. Ça veut dire, celui, on dira quoi? L'am yadhaba, on dira quoi? Idhaba. Et là, on dira quoi? L'am yadhaba, idhaba. Lima tadhaba, l'am tadhaba, idhaba. C'est la même chose. Lima tadhaba, on dira quoi? Idhaba. Et là, on dira quoi? Idhabi. Et si c'était deux? Idhaba. Vous avez compris, Inch'Allah? Qui n'a pas compris? C'est bon? Alors vous faites le même tableau à côté et vous mettez de vous-même l'amr, l'impératif. C'est bon, Inch'Allah? On revient à l'exercice. Ya ukhta, ya akhawani, on dira quoi? Idhaba ila al-masjid al-an. Ya bintani, on dira quoi? Idhaba, la même chose, ila maktabi al-mudirati. Grand 5. Amam kulli jumlatin mimma yati. طيب في المضارع مرفوع اكمل به الجمله بعد تغيير ما يلزم طيب il te demande بارك الله فيك il te dit à côté de chaque phrase il y a quoi un fi'l au mudara il est quoi il est مرفوع طيب vous le voyez entre parenthèses il te dit اكمل به الجمله avec quoi avec le changement qui lui a quoi qui lui est demandé طيب là on a quoi ماذا يريد الطالبان الجديدان c'est ça la question pour tout le monde. Ça, c'est la question avec laquelle on va travailler. On fait la première phrase ensemble. Yuridani an mada an yadhaba ila al-mahja'i. Taïb. Mada yuridu al-talibani al-jadidan. On dira quoi dans la deuxième phrase? Yuridani an yal'aba. Taïb. Kurata salla. Qu'est-ce que dire kurata salla, Sami? Le basket. Basket. Basketball, taïb. Le mot panier ici, taïb. C'est ça, salla. طيب يريداني on dira quoi ان يشرب القهوه طيب ماذا يريد الطالبان الجديدان on dira quoi يريداني ان يسمع الاخبار ماذا يريد الطالبان الجديدان يريد ان يجلس امام المدرس c'est compris inchallah grand 6 c'est le même exercice il te dit quoi اكمل كل جمله ما ياتي بضمير مناسب c'est à toi de mettre quoi maintenant un pronom qui lui convient. Araita talibani al-jadidani, na'am, tu diras quoi? Raituhuma. Mais faut, ils sont deux. Qara'ta hataini al-majallataini, na'am, tu diras quoi? Qara'tuhuma. Taïb. Qala al-mudarrisu li hamidin wa sadiqihi. Raituhuma fi masjid al-bariha. Qala al-mudiratu li zaynaba wa maryama. Uridu an as'ala kuma an baladin. طيب عن بلدكما je pense que c'est ça ouais طيب اجب عن الاسئله الاتيه grand 7 عندك محمد متى خرج احمد واخوه من الفصل tu diras quoi خرج قبل قليل طيب ça toi de le faire là je vais te dire متى ذهبتما الى مكه tu diras quoi ذهبنا طيب ici c'est quoi c'est le pluriel ذهبنا امس ماذا شربت زينب وسعاد Là, là, regarde bien. Tu nous informes sur deux sœurs. Je t'ai pas demandé à toi. Mada Sharibta. Ça, c'était pour Mohamed. Hakada Sharibata. Toi, t'as dit Sharibna. T'as dit Sharibata. Alma. Aina Yadrosu Hamidun wa Khalidun. Pourquoi Yadrosa? Yadrosani. Il est morfou. Yadrosani. Non. Si toi tu voulais enlever le nous, tu m'aurais dit quoi? Lam yadrosa. C'est-à-dire, c'est pas des étudiants. Dave. ماذا تغسل آمنة وأمها؟ تغسلان القمصان. نعم تغسلان القمصان. طيب كان كيسيون بارابور على هذه الليسون. كي مفعل به؟ لو فيرب. نو الدويل. كل دويل. الضمير يسمى مبني. نعم سي انفاريابل ا بار سي تي كوا سي تي ما حفجر مرت بهما. نعم بكليهما يسمى الفيرا افيك سا مي سينون لا قراتهما تي با قراتهما. هذا لا ابري سان لا في سا on avait dit quoi, dhamair ils sont quoi, invariables. Très bien, ça inchallah dans le 3 il y a un dar spécial sur quoi, sur les dhamair qui est très intéressant. Quelqu'un a une question à poser sur cette leçon? Abdelhamid, Mahdi, tout le monde a compris inchallah? On va juste lire le texte. Attends, alhamdoulilah, il reste un peu de temps. Leçon 31 ad-dar sul hadi wa thalathoun. Bismillah. Aina taliban al jadidan. Très bien. Aina taliban al jadidan. Huma fil maktabati ذهب ليأخذ ليأخذ الكتب ليأخذ الكتب المقررة. المقررة. متى ذهب؟ ذهب في الحصة الثانية. يا أستاذ أريد أن أشتري معجما عربيا، أريد أن تدلني على معجم جيد. اشتري المعجم الوسيط. السلام عليكم. معجم جيد. اليوم ينتهي. الجوز الثاني ان شاء الله. الجزء الثالث في الاسبوع القادم ان شاء الله. نقرا اليوم الصفحتين الاخرتين. الصفحتين الاخرتين من الجزء الثاني. الثاني طيب ان شاء الله. دمع ان شاء الله ممكن يغرى لسنه. بارك الله فيكم.